Leçon 6A. Le club de la tour Montparnasse. Chez les Noblet, un autre soir, Nathalie et Luc font la cuisine. Après le repas, la famille reste à table. Luc montre des photos. Regardez, on est sur les photos. Qui est-ce ? Les 12 patineurs de la tour Montparnasse. Depuis 3 jours, je suis dans le club avec Ahmed. Là, nous faisons des démonstrations de slalom. Ça alors ? Il y a seulement des garçons dans le club ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a seulement des garçons sur les photos. Où sont les filles ? Tiens, regarde. Voilà une photo avec les filles. Nous avons 5 filles dans le club. Oh, elles ont un look d'enfer! Bof. Les filles sont sympas dans le club. Une fille sympa, ça existe? Idiot! Demain, je fais des démonstrations de slalom avec vous. Vous faites le slalom devant la tour Montparnasse? Oui, mais toi, tu restes à la maison. Ne pleure pas, sœurette. Tiens, voilà une sucette. Tu es bête! Et qui fait la cuisine demain? Je ne suis pas là. Oh, papa! Non, non, Nathalie. S'il te plaît, papa! Bon, d'accord. Je fais la cuisine demain. Et pour le slalom, n'oubliez pas les casques.